de ces coordonnées-là, c'est pourquoi il y a péché, pourquoi ça commence. Or, le paradoxe, c'est que, précisément, on ne peut pas répondre à cette question-là. Parce que le péché, rien ne le précède. Ouais. Il ne procède de... Ce roman va vous surprendre. 2025, une mystérieuse épidémie décime 90% des hommes. Du Canada à la Chine, de l'Écosse aux Philippines, les femmes du monde entier sont forcées de s'élever et réagir. Comment reconstruire sa vie quand on perd mari, père, fils? Comment créer un monde nouveau? C'est ce qu'explore La fin des hommes, roman visionnaire écrit en 2018 par Christina Sweeney Baird. La fin des hommes, un roman émouvant, haletant et vibrant d'humanité. Aux éditions Gallmeister. Est-ce que tout était mieux avant? Mais avant le début, avant même le choix de croquer dans le fruit défendu, avant qu'Adam et Ève ne fassent l'expérience concrète de leur liberté et n'en payent le prix fort. Avant, c'était bien, car nous n'étions pas libres, et donc ni souffrance, ni angoisse. Quel merveilleux jardin! On se croirait au paradis! Ah, bonjour! Vous ne vous êtes pas fait mal? La souffrance n'existe pas dans le jardin d'Éden. Hé, t'es sûrement Ève! Faut croire. Enfin, est-ce que vous avez goûté ces fruits? Dieu les garde pour sa consommation perso. Mais c'est le fruit défendu! Arrête d'en manger, Dieu va être furieux! T'es crispé pour une fille à poil. Tu sais ce qui te rendrait cool? Un petit fruit? Ah, bravo! C'est comme ça que tu me remercies, Adam! Je te chasse du paradis! Eh, faut rien décider avant d'avoir réfléchi. Dieu est amour, non? Non! Vous avez parfaitement le droit de m'éjecter aussi, mais avant que... Ah! Oh, mon dos, ça doit être ce qu'on appelle la souffrance! Ouais, c'est bien ça. Bonjour Vincent Delecroix. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Rien de tel qu'un petit épisode des Simpsons pour commencer l'émission sur Kierkegaard. Ah bah oui, apparemment c'est une autre version. Enfin, assez similaire de celle de la jeunesse d'ailleurs. Mais... Oui, de la jeunesse, oui, de Kierkegaard, je ne sais pas. En tout cas, pour Kierkegaard, j'ai l'impression que le mal commence même avant. L'angoisse est tellement ancienne qu'elle date même d'avant notre séjour au paradis au sein. Elle est contemporaine du séjour au paradis. Ouais. C'est-à-dire que l'état paradisiaque ou édénique, il est traversé par l'angoisse. C'est-à-dire, comme ce qui intéresse Kierkegaard, c'est ce qui se passe juste avant. C'est-à-dire juste avant le moment où on va croquer le fruit défendu, juste avant la transgression. Et ben justement, on est dans un état indéterminé, on y reviendra, parce que c'est vraiment ça qui caractérise l'angoisse. On est dans un état limitrophe, voilà. Et c'est toute la démarche kierkegaardienne porte là-dessus. Avec la question de savoir ce qu'on peut en dire justement et ce qu'on peut en penser en philosophie. C'est-à-dire quel type de discipline ou d'approche philosophique est susceptible de rendre compte de cet état qui précède le péché. Ça veut dire que l'angoisse pour Kierkegaard est forcément religieuse? Ah oui, enfin, plus précisément, elle ne peut être comprise que d'un point de vue religieux ou, ce que dit le pseudonyme dans le concept d'angoisse, d'un point de vue dogmatique. C'est-à-dire que faire apparaître cette géniale découverte kierkegaardienne, qui aura la postérité qu'on sait, du concept d'angoisse, justement. C'est le titre d'un de ses livres. Hein. C'est le livre en question. Cette découverte, elle ne peut être faite, et qui a des implications qui dépassent le religieux, bien sûr. Mais elle ne peut être faite que dans le cadre, non seulement d'une dogmatique religieuse, mais d'un problème particulier, c'est-à-dire, enfin particulier mais universel, selon lui en tout cas, c'est la question du péché. Et du péché, enfin la double question du péché, c'est-à-dire du péché originel, le premier péché, et du péché héréditaire, doctrine encore plus choquante, si je puis dire, c'est-à-dire de la transmission par l'espèce du péché. Et c'est cette question qui est en fait une question technique, c'est-à-dire comment c'est apparu et comment ça réapparaît, c'est-à-dire comment Adam a péché. Pourquoi Adam a péché? Et pourquoi nous recommençons toujours cette histoire, en réalité? Parce que nous recommençons toujours l'histoire à zéro, à partir de notre existence. C'est-à-dire, nous cédons de nouveau au péché. Et c'est ça, en fait, le péché héréditaire. C'est que nous reprenons à chaque fois la même histoire. Et c'est cette question qui devient une question technique, qui permet à Kierkegaard de découvrir ce qui précède, c'est-à-dire l'angoisse, justement. Et c'est... Donc au commencement était l'angoisse. Bah, c'est un paradoxe parce que il s'agit pas d'expliquer pourquoi il y a du péché, parce que ça, le péché, c'est un dogme. Bon, c'est-à-dire quelque chose qu'on questionne pas. C'est un objet de croyance, on en part. Bon. Donc c'est tout simplement une catégorie religieuse, bon. Indéductible de la philosophie. Il est posé. Maintenant, la question que peut se poser la philosophie à partir de ces coordonnées-là, c'est pourquoi il y a péché ? Pourquoi ça commence ? Or, le paradoxe, c'est que, précisément, on ne peut pas répondre à cette question-là. Parce que le péché, rien ne le précède. Oui. Il ne procède de rien. Techniquement, ça veut dire qu'il pose sa propre présupposition au moment où il est. Mais bref, ça signifie simplement qu'il est là. Voilà. Il se produit. Et que s'il y avait un pourquoi, bah, ce ne serait pas le péché, parce qu'il ne serait pas le produit de la liberté, c'est-à-dire d'une décision. D'une décision que, d'une certaine manière, rien ne précède. Mmh. Mais c'est ce rien, en réalité, ce rien qui précède le péché, qui est l'objet de l'angoisse. Et c'est comme ça qu'on découvre le terrain, dans le jardin, de cette espèce de hantise, qui est le premier nom de l'angoisse. Mais Kierkegaard ne choisit pas le mot d'angoisse par hasard. Il en fait un concept, je dis dans le livre qui s'appelle « Le concept de l'angoisse », qui paraît en 1844. L'angoisse, c'est quand même d'abord et avant tout un affect, un sentiment qu'il a dû ressentir. Mais absolument, c'est un sentiment. Et même, on le verra peut-être par la suite, il en fait une typologie extrêmement... détaillé, parfois un peu raide, hein, parce que c'est un livre difficile, hein. C'est un livre très difficile. On peut le dire quand même. Mais c'est un livre central, hein, dans la pensée de Kierkegaard. Enfin, c'est un livre pseudonyme, hein, et ça, c'est pas totalement négligeable. Parce qu'il écrit beaucoup sous d'autres noms que le sien. La moitié de sa production est pseudonyme. Et le choix des pseudonymes est extrêmement important, parce qu'il s'agit de savoir de quel point de vue on parle. Et là, la désignation du pseudonyme, c'est, comme je le disais à l'instant, on part d'un point de vue religieux, d'un dogme, hein. Donc on ne procède pas par déductibilité philosophique immanente. Bon. Mais en l'occurrence, ce livre qui est donc central, il porte sur, en réalité, une quantité de tonalités affectives qu'il rapporte à l'angoisse. L'angoisse, elle a de multiples formes. Et en particulier, c'est ça le paradoxe aussi, des formes imperceptibles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'aller voir du côté du sujet qui est visiblement angoissé, encore qu'il faille bien préciser ce que c'est que l'angoisse dans ces cas-là, qui ne se confond pas nécessairement avec la mélancolie, par exemple, mais qui est impliqué dans la mélancolie. Bon. Mais, donc il y a des quantités de tonalités, mais effectivement, c'est d'abord un affect. Et c'est la raison pour laquelle la démarche de Vigilius, qui est le pseudonyme de Kierkegaard, est une démarche psychologique, au sens kierkegaardien du terme, c'est-à-dire c'est la psychologie qui peut rendre d'abord raison de cette précession du péché originel par la liberté. Voilà. Mais la psychologie ne peut arriver qu'au seuil, c'est-à-dire, et c'est tout le but du début de l'ouvrage, il s'agit d'arriver jusqu'au seuil où la transgression va avoir lieu, où la liberté va s'emprisonner elle-même dans le péché. Mais après, ça permet, une fois qu'on a identifié l'angoisse, la nature philosophique de l'angoisse, enfin, qu'on l'a identifié philosophiquement, après, ça permet d'établir un diagnostic général aussi. Et c'est ça, évidemment, qui a retenu l'attention de la postérité de Kierkegaard. Et c'est-à-dire que ça permet d'établir, dans de multiples domaines, y compris dans un diagnostic de l'époque contemporaine, de la modernité, les traces de l'angoisse, partout, avec, encore une fois, des formes, des variations, des tonalités extrêmement différentes, mais qui impliquent tous un schéma qu'on découvre au début dans la question du péché originel. Alors avant même qu'on écoute un premier texte qui définit ce qu'est l'état d'angoisse chez Kierkegaard, un point, parce que c'est souvent avec Kierkegaard une bonne manière d'avoir envie d'entrer dans son œuvre. Il sait de quoi il parle quand il parle d'angoisse et l'expérience de la mort dont on parlera, il la connaît très bien. Kierkegaard a vu mourir tous ses frères et sœurs. Oui, à peu près. Enfin, six, je crois, non ? Oui, à peu de choses près, il lui en est resté deux. Oui, il est de toute manière, pas seulement pour cette raison, mais il est en toi et d'une atmosphère bon, sur laquelle il est revenu longuement et parfois un peu péniblement, il faut bien le dire, parce que le côté Bergman ou Dreyer, ça commence à bien faire au bout d'un moment. Oui, enfin, là, il avait de quoi quand même. Ouais, ouais, non, mais il avait de il quoi. Il avait mouru toute sa famille aussi, devant lui. Il est aussi éduqué dans une atmosphère très sombre, très austère, très mélancolique, avec un père très très vieux qui aurait commis une faute peut-être. Bon, bref, il y a toute une. Enfin, la faute du père, là en l'occurrence, ouais. Quand on parle du péché originel ou héréditaire, là franchement, c'est quand même pas mal la coïncidence biographique ou autobiographique. Bon, mais il y a toute une atmosphère justement, liée aussi à sa propre personnalité mélancolique et tiraillée justement par l'appel du religieux, mais un appel littéralement exorbitant. Or c'est ça dont il est traité dans le concept d'angoisse, c'est ça qui crée l'angoisse. En fait, c'est-à-dire l'extériorité radicale promise par la foi devant laquelle on échoue. S'il y a angoisse, c'est qu'on n'a pas encore la foi. Et c'est ça la clé de tout le livre, là en l'occurrence, enfin la clé religieuse du livre, c'est qu'on angoisse tant que, et ça peut prendre encore une fois de multiples formes, tant que, bah, précisément, on aperçoit la rédemption, mais on glisse. Voilà, et on recule, on échoue, et précisément, bah, qu'est-ce qui sauve de l'angoisse ? La seule chose qui sauve de l'angoisse, la seule chose qui en guérisse, c'est la foi. Voilà, mais il ne suffit pas de vouloir avoir la foi pour l'obtenir. Voici donc le texte, vous verrez, peut-être contre toute attente, le registre de ce texte qui détermine ce que c'est que l'état d'angoisse est assez onirique. Il y a beaucoup question de rêve, de l'état de rêve, et aussi de l'importance de ce rien, le rien qui se dessine. Écoutez. L'état d'angoisse comporte la paix et le repos, mais en même temps il implique autre chose qui n'est ni la discorde ni la lutte, car il n'y a rien contre quoi combattre. Qu'est-ce donc ? Le rien. Mais quel effet produit ce rien ? Il engendre l'angoisse. Le profond mystère de l'innocence, c'est qu'elle est en même temps angoisse. Dans son rêve, l'esprit projette sa propre réalité. Cette réalité est le rien, mais ce rien voit constamment l'innocence en dehors de soi. L'angoisse est une détermination de l'esprit à l'état de rêve. À ce titre, elle relève de la psychologie. Dans la veille, la différence entre moi-même et mon autre est posée. Dans le sommeil, elle est suspendue. Dans le rêve, elle est le rien qui se dessine. La réalité de l'esprit se montre toujours comme une forme qui tente sa possibilité, mais qui s'éloigne dès qu'il veut la saisir, et est ainsi un rien capable uniquement d'angoisser. Elle ne peut davantage aussi longtemps qu'elle se montre seulement. Comme le concept d'angoisse ne se trouve presque jamais traité en psychologie, il me faut relever qu'il est entièrement différent de la crainte et des concepts semblables ayant trait à quelque chose de précis. Tandis que l'angoisse est la réalité de la liberté comme possibilité offerte à la possibilité. On ne trouvera donc pas l'angoisse chez l'animal, qui par nature n'est pas déterminé comme esprit. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de l'angoisse cette semaine. Bonjour l'angoisse, aujourd'hui en compagnie de Vincent Delecroix qui vient nous aider à comprendre le concept de l'angoisse chez Kierkegaard. Alors depuis lundi d'ailleurs, chacun de mes invités a évoqué Kierkegaard. Quand on parle de l'angoisse, il est incontournable. On en reparlera aussi sans doute demain en parlant du peintre norvégien Edvard Munch. Le concept de l'angoisse ne naît pas avec Kierkegaard, mais c'est lui qui lui donne ses lettres de noblesse, on va dire, hein, Vincent Delecroix. On va essayer de comprendre pourquoi, à partir de ce texte. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte. On pourrait le lire ligne à ligne avec l'index qui relève chaque mot important. Mais saisissons et partons de peut-être ce qu'il reste dans l'esprit de l'auditeur qui vient d'entendre ce texte. Pourquoi cette importance sur l'état de rêve qu'on peut opposer à celui de l'angoisse qui étreint, qui serre la gorge, qui fait palpiter le cœur, alors que le rêve a quelque chose de plus doux, de plus évanescent? Ouais, et c'est un texte magnifique, hein. Enfin, personnellement, je trouve vraiment très très beau, très dense, hein, comme le reste du livre. Mais c'est un texte qui met vraiment, et on sent bien la patte ou la manière de Kierkegaard. Il s'agit d'abord de décrire presque poétiquement ou littérairement une atmosphère dans laquelle se dessine ce qui est le concept, ce et c'est précisément ce qui change de Kierkegaard avec ses prédécesseurs, oui. C'est qu'il s'agit bien de déterminer un concept et de donner droit de cité philosophique à l'angoisse, justement, qui n'est pas simplement une humeur, comme ça. Et qu'il s'agit de distinguer, comme le dit le texte, d'autres catégories avec lesquelles elle était confondue, la crainte, la peur, notamment. La différence, c'est tout simplement que la crainte ou la peur, elles ont un objet. Elles ont un objet identifié. On a peur de quelque chose. On craint quelque chose. Bon. L'angoisse, elle a comme objet, si je puis dire, le rien. Le rien, le néant. Quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire, tout simplement, la liberté à venir, l'esprit qui n'est pas encore là, la possibilité. Bon. Ce qu'il appelle aussi cette effrayante possibilité de pouvoir. C'est-à-dire la liberté. Et c'est ça, en réalité, qui hante cette innocence, parfaitement tranquille par ailleurs. Et l'idée de rêve, par exemple, le milieu du rêve, est exactement ce qui convient pour décrire l'état dans lequel nous angoissons, en réalité, parce que c'est ni la veille ni le sommeil, c'est-à-dire c'est pas le sommeil de la bête brute. Adam, à ce moment-là, puisqu'il c'est de lui dont il est question, Adam, c'est pas juste l'abruti de service qui est tout simplement la bête brute heureuse, en quelque sorte, mais il n'est pas encore esprit. Il n'a pas encore la réalité de l'esprit. Et donc, il est entre deux eaux, dans cette espèce de flottement où l'esprit s'approche de lui, c'est-à-dire ce qu'il va devenir, un esprit, bon, ou ce qu'il doit devenir, où ça s'approche de manière parfaitement fantomatique. Et c'est ça l'angoisse. L'angoisse, c'est la présence fantomatique de l'esprit, de la liberté, de la possibilité qui s'approche, qui nous attire et qui nous repousse. C'est pour ça qu'il définit aussi comme une antipathie sympathique et une sympathie antipathique. C'est-à-dire que nous sommes attirés par ce qui fantomatiquement se découvre à nous, la possibilité, et en même temps, ça nous effraie. Et cette espèce d'ambiguïté, parce que c'est vraiment la valeur de l'angoisse, c'est l'ambiguïté. Ouais. Hein. Il insiste beaucoup là-dessus. C'est cette ambiguïté qui crée cet état à la fois de malaise inconscient et de situation de rêve, de situation onirique. Alors, il faut comprendre ce que Kierkegaard entend par esprit ici. C'est-à-dire que pour lui, et là, ça relève, on va pas entrer dans le détail, ça relève d'autres analyses philosophiques, mais l'humain, c'est la synthèse de l'âme et du corps, pour le dire rapidement. Mm-hmm. Bon. Sauf que dans Adam, cette synthèse n'est pas consciente. Elle est immédiate, c'est-à-dire il est immédiatement âme et corps. Bon. L'esprit, c'est ce qui réalise la synthèse entre l'âme et le corps, consciemment. Et c'est ça, cette synthèse possible, qui s'approche ici. Et donc, en fait, ce dont rêve Adam angoissé, c'est l'approche de l'esprit, ou la réalité de l'esprit. C'est-à-dire cette synthèse qu'il doit devenir. Mais ça veut dire que l'angoisse, l'état d'angoisse, est un état de dépersonnalisation. Ça signifie que, oui, et c'est la raison pour laquelle Kierkegaard va pouvoir trouver des traces de l'angoisse, j'allais dire, après le péché originel, après Adam, comme je le disais tout à l'heure, dans la modernité, dans certaines formes, notamment dans l'esthétique. L'esthétique va devenir, c'est-à-dire l'art, la poésie romantique, l'esthétique comme existence, il va pouvoir l'analyser comme le royaume de l'angoisse, en réalité. C'est-à-dire là où tout est possible. Là où tout est possible, où la possibilité affole, c'est-à-dire qu'elle risque de nous noyer et nous reculons devant la nécessité de faire passer la possibilité à la réalité. Je suis devant l'infinité des possibles, devant la mer des possibles. Ça, c'est la liberté. Oui. Bon, mais il faut que la liberté, elle se concrétise. Il faut qu'elle décide. Il faut qu'elle choisisse de se réaliser. Et c'est juste cet instant-là qui est retenu par Kierkegaard dans le concept d'angoisse. Et ce qui angoisse, c'est la possibilité, effectivement. Ça veut dire que l'angoisse est le signe que l'homme n'est pas à la hauteur de sa propre liberté. Ça signifie, exactement, mais ça signifie, plus généralement, que l'état d'angoisse, et ceci est valable du coup pour toute forme d'angoisse, l'état d'angoisse, c'est la non-coïncidence à soi-même. C'est l'épreuve de cette non-coïncidence. C'est-à-dire la synthèse n'est pas réalisée, justement. Il y a quelque chose en nous qui nous sépare de nous-mêmes. Ou plutôt, le soi, c'est cet écart constant entre le fini et l'infini, le temporel et l'éternel, le corps et l'âme. Et il y a quelque chose qui n'arrive pas à faire synthèse. Voilà. Il y a un écart et nous sommes écartés de nous-mêmes. Et ça, ça produit l'angoisse. Mais ouais, ça peut aussi produire la mélancolie. Est-ce que ce que vous décrivez, cet écart face à soi, le constat que peut-être nous sommes plusieurs ou nous n'arrivons pas à faire la synthèse au sein de nous, c'est ce que décrit Pessoa aussi, ou qui est plutôt du côté de la mélancolie. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, bien sûr, et c'est ce que fait Kierkegaard. Assurément, la mélancolie est une forme d'angoisse. Ah oui. Elle contient l'angoisse. C'est une forme spécifique de, j'allais dire, d'expérience de non-coïncidence à soi-même. Il y a quelque chose, mais la mélancolie en particulier, elle porte sur, j'allais dire, cette possibilité infinie qui angoisse et devant laquelle on recule, quelque sorte. C'est aussi la maladie de la réflexion, c'est-à-dire le fait qui caractérise le stade esthétique en particulier. Ouais. Cette maladie de la réflexion qui fait que vous entrez jamais véritablement dans la réalité par le choix, par la décision. C'est qu'il y a encore une fois, et c'est pour ça que c'est angoissé, la réflexion c'est toujours un décollement par rapport à soi-même. Et l'épreuve, justement, du fait que nous n'arrivons pas à coïncider. Nous ne sommes pas un. Nous n'arrivons pas à être l'individu, comme dit Kierkegaard. Le singulier, constitué, et seule la foi le peut, selon lui, constitué comme une unité synthétique, justement. Il y a une différence entre un monde théorique basé sur un verbiage de merde philosophique et la réalité de la vie. Surtout, si vous ne devez retenir qu'une chose de mon cours, retenez que la majeure partie de la philosophie, c'est de la masturbation verbale. Alors, Kierkegaard. Quand on prend les décisions au quotidien, on jouit d'une liberté de choix absolue. Vous êtes d'accord, on a le droit de ne rien faire ou de faire mille choses. Et ce sentiment de liberté crée une certaine angoisse. Ça donne le tournis. L'angoisse est le vertige de la liberté. On peut comparer l'angoisse au vertige. On a le vertige quand on plonge le regard dans un abîme. Mais la raison du phénomène n'est pas moins l'œil que l'abîme, car il suffit de ne pas regarder. L'angoisse est ainsi le vertige de la liberté survenant quand l'esprit veut poser la synthèse et que la liberté, scrutant les profondeurs de sa propre possibilité, saisit le fini pour s'y appuyer. La liberté succombe dans ce vertige. La psychologie ne peut et ne saurait aller plus loin. Au même instant, tout est changé. Et la liberté, se relevant, se voit coupable. Entre ces deux instants, se place le saut que nulle science n'a expliqué ou ne peut expliquer. Quand on devient coupable dans l'angoisse, on le devient avec toute l'ambiguïté possible. L'angoisse est une défaillance féminine où la liberté tombe en syncope. Au point de vue psychologique, la chute arrive toujours dans cette faiblesse, mais l'angoisse est en même temps le plus haut point de l'égoïsme. Et nulle manifestation concrète de la liberté n'est aussi égoïste que la possibilité de toute semblable manifestation. C'est là encore le facteur prépondérant qui détermine la double attitude, sympathique et antipathique de l'individu. Dans l'angoisse réside l'infini égoïste de la possibilité. Il ne tente pas comme un choix, mais apporte la captivante anxiété de ses doux tourments. Quelle langue, quand même, ici, lue par Bernard Gabay. Captivante anxiété de ses doux tourments. Un mot, Vincent Delecroix, sur l'extrait du film de Woody Allen qu'on a entendu juste avant. Le film s'appelle L'homme irrationnel. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, malheureusement. Je vais me précipiter pour aller le voir. Oui, parce que le personnage principal est un prof de philo, joué par Joaquin Phoenix. Et il ne fait pas que citer Kierkegaard dans son cours. Tout le film est autour du sujet de ce matin, puisque ce prof va se demander si finalement, pour sortir de sa dépression, qui est une forme d'état d'angoisse généralisée, il n'arrive plus à choisir, il ne faut pas commettre un meurtre afin de redonner un sens à sa vie. C'est la décision ultime à accomplir. Absolument. J'en prendrai de la graine pour mes prochains cours, parce que franchement, J'aimerais bien arriver à cette hauteur rhétorique. Ah oui, voilà, j'aimerais bien commencer mon cours comme ça. mais oui, à dire vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire comment se sortir, et c'est ce que dit Kierkegaard, c'est-à-dire que devant le vertige, et cette comparaison de l'angoisse avec le vertige, c'est la comparaison géniale. C'est-à-dire c'est vraiment très exactement ce que veut décrire Kierkegaard, et ce qu'en retiendra d'ailleurs sa postérité, Sartre, Heidegger. Bon. Ouais. Et comparaison qui est en fait plus qu'une comparaison, c'est un véritable vertige, l'angoisse. C'est le vertige de la liberté, comme il est rappelé. Et ce qui est très important ici, c'est le fait que tout au début du texte qu'on a entendu, Kierkegaard, enfin son pseudonyme, prend le soin de préciser que ce qui crée l'angoisse, c'est aussi bien l'œil qui regarde que l'abîme, autrement dit. Tout se fait dans la manière dont nous nous rapportons avec cette espèce d'attraction que nous avons tous éprouvé dans le vertige. Et c'est ça qui fera réfléchir beaucoup Sartre. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est une antipathie sympathique dans le vertige, c'est que ça nous fait peur, mais nous regardons. Justement. Alors qu'il suffirait, dit Kierkegaard, de ne pas regarder. Exactement, il suffirait de détourner les yeux. Ouais. Mais quelque chose nous attire, l'abîme, ici, attire irrésistiblement le regard, et pourtant, ça provoque la syncope. C'est-à-dire que la chute, littéralement, elle tombe en syncope. Et on tombe en syncope, donc on chute, littéralement. La chute, elle se produit au moment où, justement, vous voulez vous rattraper. Vous vous rattrapez au fini, et vous choisissez, parce que sinon vous tombez littéralement dans le gouffre, mais vous vous rattrapez au dernier moment, en quelque sorte, à la rambarde, à la barrière, si vous voulez, au fini. Voilà. Et là, vous avez pris la décision, là, vous chutez en réalité. C'est-à-dire que là, vous avez décidé, en quelque sorte, et que la liberté s'est engagée dans le péché, littéralement. Donc décider, c'est péché ? Et c'est pour ça, ben, là, en l'occurrence, elle se rend finie. C'est-à-dire que elle ne peut pas parvenir à la synthèse qui s'appelle une deuxième immédiateté chez Kierkegaard. Bon, on va pas rentrer dans ce détail. Mais quand elle se relève, elle est coupable. Elle s'est rendue coupable, tout simplement. Elle l'a fait. Voilà. Et c'est ce que vous rappeliez à propos du film de Woody Allen. Et, oui, l'acte, c'est le moment, là, c'est caricaturé, mais c'est le moment précisément où la liberté s'emprisonne. Mais elle s'emprisonne dans la réalité. Justement. Est-ce que c'est pas un problème d'un point de vue purement philosophique pour Kierkegaard que de construire ce concept-là autour d'un présupposé, vous l'avez dit, religieux, dogmatique, c'est-à-dire inquestionnable. S'il pose que tout acte est forcément péché, on peut plus rien dire au fond, mais non, parce que vous pouvez l'expliquer d'une autre manière, c'est que si vous voulez l'expliquer, ce qui est pas très kierkegaardien, mais si vous voulez l'expliquer de manière relativement immanente, vous pouvez rapporter l'angoisse au devenir soi. Devenir l'individu. Bon, pour Kierkegaard, il se trouve que vous ne devenez vraiment l'individu que devant Dieu. Mais, dans la foi. Mais, devenir ce que vous êtes, ou ce que vous avez, parce que l'existence est une tâche, c'est pas simplement un fait, c'est que vous avez à devenir, vous avez à dire je, vous avez à devenir un individu, l'angoisse joue un rôle prépondérant ici. C'est-à-dire que précisément, tout ce qu'on voit depuis le début de l'émission, c'est précisément ce qui rend possible, ce qui enclenche le devenir soi, et ce qui le fait dérailler à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle on peut à chaque fois, dans des domaines extrêmement différents, repérer la trace de l'angoisse. C'est-à-dire, il y a angoisse chaque fois qu'une forme supérieure d'existence est approchée. C'est essentiel pour Kierkegaard. C'est essentiel, c'est la raison pour laquelle on va en retrouver des traces à chaque stade d'existence. Parce que pour Kierkegaard, il y a trois stades d'existence. Il y a trois stades d'existence, l'esthétique, l'éthique, le religieux. Mais ce qui est important, c'est ce qui sépare ces stades ou ces sphères, c'est le choix, justement. C'est la décision qui est commandée par un mouvement qui s'appelle la reprise ou la répétition. C'est-à-dire où on se reprend soi-même. Et il faudrait filer la métaphore qu'on a vue avec le vertige, où on se reprend. Ouais. Voilà. Mais on se reprend à une forme supérieure. On se reprend soi-même, on devient plus existant, on devient plus réel, en quelque sorte, en se reprenant. Or, encore une fois, l'état limitrophe avant le choix, qui est un choix de soi, on se choisit. Donc l'état limitrophe avant le choix de soi, devant lequel on peut reculer, évidemment, c'est l'angoisse. Donc, et ça marche à chaque stade ? Ben oui, c'est qu'à chaque fois, c'est perceptible. Tout simplement parce que ce qui définit chacune de ces étapes, ou chacun sur le chemin de la vie, c'est précisément la possibilité d'être un soi, c'est-à-dire de coïncider, d'être réel et d'être un individu réel. Et comme justement, c'est difficile, comme chacun l'aura remarqué, c'est difficile d'être soi, précisément, on est à chaque fois dans cet état limitrophe angoissé. Il va falloir se choisir, mon petit pote. C'est ça que ça signifie. Il va falloir décider. Voilà. Mais il y a deux attitudes hein, dans ce cas-là. Soit on fait le saut, pour utiliser les catégories de Kierkegaard, donc on se choisit. Et on se choisit dans l'éthique, on se choisit dans le religieux, soit on recule. C'est-à-dire, on revient à un stade esthétique, par exemple, c'est-à-dire dans une espèce de flottement de la pure possibilité. Ah, je pourrais être ceci, je pourrais... Mais c'est si Don Juan pour Kierkegaard. Oui, qui c'est le séducteur tout à la fin. C'est-à-dire, dans la pure réflexivité, c'est magnifique, tout cet océan de possibles. Je ne sais que choisir. Je pourrais être comme ça, mais du coup, je ne serais pas ceci. Mais si je suis ceci, je ne serais pas cela, etc., etc. Donc, la liberté s'affole, tout simplement. Elle s'affole, parce que vous pouvez, en penser, tout devenir. Vous pouvez rêver complètement votre vie. Vous pouvez être dans cet état de rêverie angoissée que décrit Kierkegaard. Or, il y a un moment donné, faut vous décider. C'est exactement ce que dit Kierkegaard. Il y a un moment donné où faut vous décider. Ou alors, vous choisissez cette vie esthétique, qui est une vie inconsistante et purement rêvée. Voilà. Alors, qui peut être... Enfin, qui pour Kierkegaard n'est jamais agréable, et c'est pas justement l'immédiateté dont Juanès... Oui, et puis il n'y a pas de plaisir ni de jouissance, quand même. Ou plus précisément, la jouissance, elle est empoisonnée. Ouais. L'angoisse, c'est ce qui empoisonne tout, justement, ici. Parce qu'il y a toujours cette espèce de fantôme de la liberté et de la décision à prendre. Alors justement, est-ce que toute décision est bonne à prendre ? Est-ce que l'important, c'est de décider quelle que soit la décision. Alors c'est ça le problème, et c'est notamment un des problèmes qui a concerné la postérité de Kierkegaard. C'est que il y a des critiques fameuses, et d'ailleurs que je trouve extrêmement pertinentes, celle d'Adorno en particulier, qui stigmatise, à juste titre, me semble-t-il, mais qui stigmatise cette espèce de radicalisation du choix du choix. Voilà, dit-il, c'est que ça devient la catégorie du choix. Devient une catégorie absolue. Bon. Évidemment que Kierkegaard, ça pose de multiples problèmes, ça pose des problèmes politiques d'ailleurs, du décisionnisme. Bon. C'est-à-dire l'idée que c'est un choix radical, parfaitement libre, donc qui coupe avec l'antériorité des raisons. Ce qui est important, c'est la liberté. Quel que soit finalement ce qu'on choisit. C'est ça. Exactement ce que vous dites. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est que précisément, quand ça a été employé dans la philopolitique par Carl Schmitt, en particulier, avec des théories décisionnistes qui se réclament de Kierkegaard, ça signifie tout simplement que l'essentiel, c'est de décider, c'est l'essentiel, c'est la décision, et que quoi qu'elle produise, c'est légitime, parce que c'est le reflet ou le produit de la décision. Bon, c'est ça, la souveraineté, telle que la pense Carl Schmitt. Donc politiquement, c'est extrêmement dangereux. Bon. Cet usage... mal intentionné, enfin, peu importe, de Kierkegaard, est pas très fidèle exactement à Kierkegaard. Parce que, plus précisément, on voit bien, enfin, d'après ce que j'ai rappelé, on voit bien qu'il s'agit pas de n'importe quel choix, bien sûr. Mais en réalité, par exemple, vous passez du stade esthétique au stade éthique, vous choisissez de vivre, du stade esthétique au stade éthique, vous choisissez de vivre selon la loi. Alors, rappelez-nous ce que c'est que le stade éthique. Le stade éthique, comme son nom l'indique, c'est la manière qu'a l'individu de se déterminer moralement d'après la loi. Voilà. Donc on sort du stade esthétique, dont le personnage principal serait Don Juan, et le stade éthique, ce serait la figure du juge. C'est la figure du juge, c'est la figure du mari aussi. Ce qui est un peu... Bon, déjà, la figure du juge, elle n'est pas absolument affriolante. Celle du mari, peut-être peut-être encore moins. Surtout quand on a été Don Juan, par exemple, ou quand on a été séducteur. Ou au contraire, justement. Je vous laisse la liberté de ces propos, mais l'idée essentielle, c'est que ici, on s'engage dans la vie réelle. C'est-à-dire, on s'engage dans la socialité, par exemple. On s'engage dans un, ouais, dans une tâche sociale, le métier, par exemple. On n'est plus l'esthète romantique, poète, qui veut s'investir dans rien du tout, parce que c'est toujours la réalité, toujours grise, morne, etc. Ce qui est assez vrai, mais par ailleurs, le moment où on entre dans l'éthique, on entre dans le réel. On entre dans le réel, on se marie, quoi. Alors là, vraiment, on entre dans le réel, ça. Il n'y a pas de doute, quoi. Et on se rapporte aussi bien à la socialité qu'à la loi morale. Et on voit bien que du coup, c'est pas n'importe quel choix. Que le passage au stade éthique, c'est pas, on prend n'importe quelle décision. L'essentiel, c'est de prendre une décision. Non, on passe vraiment à une forme supérieure de vie, si on peut dire, ou d'existence, quand on choisit, j'allais dire, ce que d'un point de vue immanent, on peut considérer comme le bien. Le mariage. Eh oui, le mariage, c'est-à-dire la possibilité de renouveler le choix de l'amour. C'est fantastique, hein. Enfin, c'est fantastique. Ça signifie simplement que par le mariage, vous faites entrer l'amour dans la continuité du temps. C'est-à-dire, vous le rendez réel. Précisément parce que ce que décrit le stade esthétique antérieur, de Don Juan jusqu'au séducteur, c'est qu'effectivement, c'est la manière qu'a l'amour depuis le désir immédiat Don Juanesque jusqu'à la séduction complètement réflexive du séducteur, c'est la manière qu'a l'amour, qui vient du désir, de se rendre complètement inconsistant. Mmh. Or, dans le mariage, selon Kierkegaard, qui lui-même, n'a pas réussi à se marier. Voilà, qui a rompu spectaculairement ses fiançailles, qui l'a regretté évidemment toute sa vie, qui a beaucoup écrit là-dessus, de manière plus ou moins cachée, en tout cas. Mais le mariage, c'est précisément, alors là, comme on le disait tout à l'heure, la reprise. Voilà, c'est la reprise de l'instantanéité évanescente de l'amour dans une temporalité continue. Et donc, ce qu'on considère comme effectivement la vie grise du mariage, la réalité prosaïque, oui, la prose de l'éthique, là, en l'occurrence, eh ben, en réalité, c'est une forme supérieure de l'existence, parce qu'elle est réelle. Parce que vous êtes dans le réel. Alors là, vraiment, les deux pieds dedans, quoi. Oui, mais vous, ça fait pas envie. Ah non, c'est curieux. et c'est pas le stade ultime. Mais pourquoi ça fait pas envie? Parce que nous sommes dans l'angoisse. Parce que nous sommes précisément dans cet état d'attraction-répulsion, quelque chose qui nous tente, mais il faudrait revenir sur l'idée de tentation, quelque chose qui nous tente, qui nous attire, et puis qui est à la fois confortable et inconfortable, encore une fois. C'est l'ambiguïté qui caractérise l'angoisse. Et d'une certaine manière, il y a une espèce de jouissance empoisonnée du stade esthétique. Tout simplement parce que le choix de soi représente un effort, mais comme on l'aura tous remarqué, un effort mais considérable. Et non seulement un effort considérable, mais un effort qu'il faut reprendre à chaque fois. Le choix de soi, c'est se choisir tous les matins. C'est épuisant. Enfin, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se choisir seul? Pourquoi est-ce qu'il faut se choisir avec un mari? Ah, alors ça, il y a un petit problème de enfin un petit c'est problème. L'époque ou non, c'est pas ça, c'est alors on reviendra pas sur la dénomination du féminin oui bah la, si bah, peut-être que si l'angoisse mais, est une défaillance oui, féminine oui, dit Kierkegaard. C'est le prix à payer aux préjugés de l'époque, c'est pas simplement ça d'ailleurs, parce que il y a une caractérisation il parle de lui aussi et puis il y a une caractérisation typiquement romantique post-romantique du féminin, du prétendu féminin comme sensibilité, comme immédiateté, comme rêverie, etc. L'angoisse, c'est féminin. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans le concept d'angoisse. L'angoisse, enfin, les femmes sont plus angoissées que les hommes. Bon. Mais peut-être lui-même était une femme. En tout cas. Il avait une part de féminité incontestable. Sur la question du mariage, juste un dernier mot là-dessus. Voilà. Pourquoi a-t-on besoin de se marier pour se choisir, en fait? C'est ça la question. C'est plus précisément que ça suscite, ou ça, enfin, oui, ça implique un rapport de sociabilité. Et, premièrement, donc c'est, mais il faudrait se référer à Hegel parce que c'est la grande référence ici au principe de la philosophie du droit, mais c'est-à-dire le choix et de l'éthicité, ce que Hegel appelle l'éthicité des mœurs, implique le couple, le mariage, la constitution de la famille et donc l'établissement des relations sociales dans la réalité sociale. Voilà. C'est donc c'est assez conservateur au fond. C'est extrêmement conservateur, hein, c'est sûr, malgré les caractères révolutionnaires d'un certain nombre de notations kierkegaardiennes. Mais ça, c'est absolument incontestable. Et puis encore, la deuxième chose, et j'insiste là-dessus parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'amour. Kierkegaard, c'est une philosophie de l'amour. Toute la pensée de Kierkegaard, c'est une philosophie de l'amour, jusqu'à l'amour religieux. Et jusqu'à l'amour, non pas simplement pour Dieu, mais l'amour du prochain. Mais ça nous entraînerait un peu plus loin. Mais précisément, il y a une reprise de la sociabilité sous la forme religieuse de l'amour du prochain. Les gens affirment sans preuve que l'existentialisme, c'est la mode du désespoir. Mais en réalité, la grande idée de l'existentialisme, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. L'existentialiste déclare volontiers que l'homme est angoisse. Cela signifie ceci. L'homme qui s'engage et qui se rend compte qu'il est non seulement celui qu'il choisit d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soi l'humanité entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. Certes, beaucoup de gens ne sont pas anxieux, mais nous prétendons qu'ils se masquent leur angoisse, qu'ils la fuient. Certainement, beaucoup de gens croient en agissant n'engager qu'eux-mêmes, et lorsqu'on leur dit « mais si tout le monde faisait comme ça », ils haussent les épaules et répondent « tout le monde ne fait pas comme ça ». Mais en vérité, on doit toujours se demander « qu'arriverait-il ?» si tout le monde en faisait autant. Et on échappe à cette pensée inquiétante que par une sorte de mauvaise foi. Celui qui ment et qui s'excuse en déclarant « tout le monde ne fait pas comme ça » est quelqu'un qui est mal à l'aise avec sa conscience. Même lorsqu'elle se masque, l'angoisse apparaît. Et donc on s'en sort jamais vraiment. Alors on a envie de faire le lien entre la pensée de Kierkegaard et son concept de l'angoisse, que vous nous avez aidé à comprendre ce matin, Vincent Delecroix, et l'existentialisme selon Sartre. On a entendu sa voix et puis un extrait de l'existentialisme est un humanisme qui se réfère directement à l'angoisse, hein, qui dit que même lorsqu'elle se masque, l'angoisse apparaît, c'est le principe de la mauvaise foi selon Sartre. En écoutant l'archive de Sartre, qui date du 3 novembre 1947, j'ai cru percevoir une sorte d'irritation de votre part. Non, je voudrais pas l'avouer, mais si je l'avoue, c'est vrai que c'est un peu... Non mais pourquoi en fait? C'est parce que j'imagine qu'il y a des raisons philosophiques. Oui, c'est un peu une crispation à l'égard de la captation existentialiste. Captation de... Bah, la manière dont Kierkegaard ou certaines de ces catégories ont été utilisées de manière extrêmement féconde dans l'existentialisme ou dans la philosophie de Sartre, disons plutôt ça, c'est une chose, mais j'allais dire la lumière qu'il a rétro-projetée sur Kierkegaard en est une autre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup lu Kierkegaard à partir des catégories de l'existentialisme parce qu'elle se réclamait originellement kierkegaardienne, enfin partiellement kierkegaardienne. Et bon, bah, c'est comme ça qu'on fait de Kierkegaard le père de l'existentialisme, ce qui est faux. C'est de la philosophie de l'existence, c'est pas de l'existentialisme. Et on le voit d'ailleurs très nettement dans les textes, à la fois dans le discours de Sartre et dans le texte de l'existentialisme est-il un humanisme. C'est qu'on voit ce qui se déplace, ce qui intéresse Sartre et qui certes intéressait Kierkegaard, mais encore une fois, dans des coordonnées très précises, hein, c'est-à-dire encore une fois dans cette question religieuse qu'évidemment Sartre évacue complètement. Oui. Et bon, enfin le mouvement est déjà fait par Heidegger. Hein, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est pas du Kierkegaard. Ça c'est clair. Bon, et que la deuxième chose, c'est que Sartre insiste sur des points qui en fait ne sont pas les points sur lesquels insiste Kierkegaard. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est inintéressant, je dis que c'est autre chose ici. Ce qu'il retient de Kierkegaard, à juste titre, c'est cette angoissante possibilité de pouvoir, c'est-à-dire la liberté, le fantôme de la liberté qui plane et la réaction angoissée que ça suscite Bon, la tentation et la répulsion. Mais ce qu'il en retient surtout, comme le montre le texte qu'on a entendu, ce qu'il en retient surtout, c'est l'engagement. C'est-à-dire l'engagement de ma liberté et son universalité, c'est-à-dire l'idée de responsabilité, qui est une idée fabuleuse, essentielle, etc., mais qui est complètement étrangère à Kierkegaard. C'est-à-dire que là, on peut considérer qu'il y a effectivement un individualisme kierkegaardien, c'est le choix de soi. C'est-à-dire, c'est le devenir soi de l'individu qui importe essentiellement dans la description de l'angoisse. Bon, pour Sartre, en tout cas là, l'angoisse, elle est surtout déterminée à partir de la responsabilité de mes actes. C'est-à-dire la responsabilité de mes actes pour tous. La mauvaise foi, c'est quand précisément, non seulement je me masque cette angoisse, mais cette angoisse, c'est celle de ma responsabilité à l'égard de tout, au moment du choix. Faire ceci engage en réalité toute l'humanité, mais je refuse de le reconnaître. Il y a du Lévinas dans Sartre, en fait. Ça nécessiterait d'autres articulations, mais en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est que l'interprétation de l'angoisse par la mauvaise foi, c'est-à-dire le fait qu'en réalité, la mauvaise foi, c'est se refuser à assumer la liberté constitutive, c'est-à-dire le néant qui est au centre de ce rien, justement, qui est au centre de l'existence. La mauvaise foi, je ne vais pas dire qu'elle gauchit la compréhension de l'angoisse, mais elle l'éclaire autrement. C'est plus le péché, c'est la mauvaise foi. Non, mais c'est aussi un phénomène de non-coïncidence avec soi. Absolument, la mauvaise foi. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, je me place pas en défenseur de Kierkegaard, ça n'a aucun intérêt. C'est simplement pour voir le décalage de ce concept d'angoisse au moment où il est capté dans une philosophie sartrienne ou dans l'existentialisme, ou comme il le sera chez Heidegger, les déplacements qu'on opère sur ce concept-là. Ce qu'on entend là, c'est de la philosophie de Sartre, c'est pas de la philosophie de Kierkegaard, ça c'est très clair, mais c'est extrêmement éclairant. Mais a-t-il prétendu l'inverse? Est-ce que Sartre prétendait être fidèle à Kierkegaard? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de dire, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Et Sartre est le premier, des lettres et le néant, le premier à évoquer, convoquer Kierkegaard, par l'intermédiaire d'Heidegger d'ailleurs, mais à convoquer Kierkegaard et à en faire quelque chose d'absolument original. Et qu'en est-il de Heidegger dans ce cas, rapidement? Là aussi, ce qui est caractéristique, c'est la neutralisation de l'horizon religieux. Heidegger est explicite là-dessus, même s'il dit que ce qu'il y a de plus philosophique chez Kierkegaard, c'est ce qui se trouve dans ses discours religieux. Bon, mais ce qui est essentiel, c'est de dire, en réalité, sous l'interprétation religieuse dite existentielle, il y a de l'existential, c'est-à-dire le soubassement ontologique qui sera l'objet de Sein und Zeit, dans lequel d'être étant, dans lequel effectivement on convoquera Kierkegaard. Mais dans ce cas-là, il s'agit de rapporter l'angoisse ou d'arracher la notion d'angoisse, de la concevoir comme effectivement constitutive de l'existence, sans avoir besoin, en quelque sorte, de présupposer la dogmatique du péché. Mais en va-t-il de Kierkegaard comme de Pascal, finalement? C'est-à-dire ces deux auteurs que l'on peut lire aussi sans Dieu, et ça marche très bien. D'ailleurs, le rapprochement avec Pascal a été évidemment souvent fait, et ce qui est sûr, c'est que la postérité du concept d'angoisse dans la philosophie contemporaine, au XXe siècle, en tout cas, montre que ça... Oui, c'est opératoire. Prend, quoi. Ouais. C'est opératoire. Et même jusqu'à un point soupçonné par Kierkegaard, c'est-à-dire que c'est précisément, par exemple, chez Heidegger, on n'est plus dans la psychologie. On n'est plus dans le domaine de cette chatoyante, fine, littéraire psychologie kierkegaardienne. Il s'agit de décrire les structures fondamentales de l'être au monde, de l'existence. Bon. Et ça marche. Ça marche incontestablement. C'est un concept qui est appelé à se renouveler dans la philosophie. Et effectivement, les batailles d'héritage ou les conflits de paternité sur le concept d'angoisse, en fait, ça a très peu d'importance. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça décrit exactement. L'angoisse est à la mode, paraît-il. Ce n'est pas une raison pour s'y intéresser, et même c'est au contraire une raison de ne pas s'y intéresser, car personnellement je ne m'intéresse à rien de ce qui est à la mode. Dans l'importance attribuée à l'angoisse aujourd'hui par nos contemporains, je ne vois rien d'autre que frivolité, sujet de conversation et galéjade littéraire. Je m'excuse de diminuer ainsi ce sujet, mais c'est peut-être pour le réduire à ce qu'il a de vraiment essentiel, car c'est bien le cas de le dire. Ceux qui pérorent et dissertent le plus sur l'angoisse, aujourd'hui, ne sont nullement les plus angoissés. Et surtout, ce ne sont pas du tout ceux qui l'ont le plus tragiquement éprouvé pendant les 4 années d'épreuve que nous avons vécues. Et vice-versa, ceux qui l'ont le mieux connu pendant ces années terribles, au cours de ce long cauchemar, et qui peut-être auraient le plus de raison d'en parler, et le plus de choses à en dire, ne sont ordinairement pas fort loquaces sur ce chapitre. Et c'est même à cette discrétion qu'on les reconnaît, car le propre de la véritable angoisse, Kierkegaard l'avait vu, est d'être muette. L'angoisse qui pérore, l'angoisse qui gazouille et qui babille, comme celle de nos contemporains, est évidemment une plaisanterie littéraire. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. La voix de Vladimir Jankélévitch, le 4 avril 1953, dans son heure de culture française. Vincent Delecroix, est-ce que sa lecture de Kierkegaard vous convient? En tout cas, c'est un bon coup de pelle sur l'existentialisme. C'est assez réjouissant, mais bon... L'angoisse est muette, dit-il, en pensant reprendre Kierkegaard. Là, en l'occurrence, bon, l'interprétation ou l'usage de Kierkegaard chez Jankélévitch, il y aurait beaucoup à dire également, mais c'est pas le lieu ici. On remarquera surtout qu'il commence par dire que l'angoisse est la chose la moins intéressante, et puis finalement, en fait, c'est la chose la plus profonde, quand on la réfère, selon lui, à Kierkegaard, et que, bah oui, en fait, elle était vraiment là. Bon, je crains qu'il ne confonde par exemple, l'angoisse et la terreur, par exemple. Qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale. Ou la peur, ce qui est évidemment pas du tout la même chose et qui confond, en fait, deux dimensions de l'existence qui sont pas à confondre, en tout cas pas chez Kierkegaard. Mais je crains aussi que ce faisant, il ne soit lui-même dans la rhétorique, le gazouillis, le babillage, comme qu'il reproche à ses ennemis de toujours, c'est-à-dire en particulier à Sartre. Mais incontestablement, il y a la volonté chez Jankélévitch de se ressaisir de ce concept kierkegaardien d'une autre manière. Mm. C'est-à-dire que bon, là aussi, il y a une querelle d'appropriation. C'est dire, bon, les existentialistes, ils ont strictement rien compris à Kierkegaard. Ils en font un usage frivole ou futile, masqué derrière un sérieux jargonnant. Bon, moi, je fais pas ça. Bon, très bien, il fait pas ça, il fait autre chose. Donc, qui a compris Kierkegaard, finalement? Bah, même Kierkegaard se comprenait pas lui-même. Donc, franchement, c'est vraiment la dernière question à se poser, surtout quand on est commentateur de Kierkegaard. Eh ben, c'était la dernière ce matin, en tout cas. Merci beaucoup, Vincent Delecroix, de nous avoir parlé du concept d'angoisse selon Kierkegaard. On se quitte devant le néant avec Kent. Et puis vient un jour, tout tombe lourd. Un jour on est si grand qu'on est vide en dedans, tout raide et sans penchant, une antenne sous le vent, les images là-dedans, brouillées de parasites. On voudrait s'écrier, mais y a rien à crier. Les mots sont facétieux, comme du papier mâché. Ils nous font une grosse tête, de carnaval en fête. La peine est une esthète, c'est là notre défaite. On voudrait l'exprimer, l'imprimer, l'opprimer. La douleur du néant, avec des mots blindés. Oui, mais seulement, voilà, devant le néant tout fout le camp. Alors vient un jour, la pensée comme un poids lourd, la remorque est vide, le tracteur est sans guide, elle en a une ride au front qui tient la bride et prépare le milieu. imbécile, futur, à bout de portant. On voudrait s'accrocher, décrocher le turlu, à Paul et l'âme sœur, une sœur à nos seins nus. Mais elle se paye nos têtes, elle nous parle de branlette. La peine est suffragette, c'est là notre défaite. On voudrait la cacher, la cracher, l'arracher, cette peine capitale, et la voir se noyer. Oui, mais seulement, voilà, devant le néant tout fout le camp. Tout fout le camp, sauf la chronique quotidienne de philosophie de Frédéric Worms sur France Culture, les chemins de la philosophie, le pourquoi du comment. Pourquoi la démocratie est-elle menacée de l'intérieur? Il y a un paradoxe de la démocratie que l'on peut résumer par une grande figure philosophique et politique qui, en France, au XIXe siècle, a incarné toutes les contradictions de la pensée démocratique qui travaillent encore aujourd'hui notre société. Cette figure, c'est celle d'Alexis de Tocqueville, célèbre notamment par deux grands livres, un livre intitulé « De la démocratie en Amérique » qui paraît en 1835, après un voyage aux États-Unis d'Amérique, et un deuxième livre intitulé « L'Ancien Régime et la Révolution » qui paraît quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, et qui porte sur la Révolution française qui a ébranlé pour Tocqueville sa vie individuelle et familiale autant que la vie collective et nationale. Quelle est la tension qui est au cœur de la pensée de Tocqueville et qui travaille encore nos sociétés? C'est que d'un côté, Tocqueville définit la démocratie non pas comme un principe politique ou un régime, une constitution, mais d'abord comme une idée. Une idée morale et historique, c'est l'idée de l'égalité entre les humains, une idée qui, dit-il, va définir l'histoire pour les siècles à venir, une idée qui remplace la providence divine, une idée qui oriente toutes nos actions. La revendication de l'égalité entre les humains, c'est ce qui va définir, et de fait c'est bien le cas, l'ensemble des revendications sociales, et elle aura quelque chose d'irrésistible, non seulement entre les citoyens, mais entre les humains en général, entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre les différents peuples autrefois dominés de l'histoire. Pour Tocqueville, c'est un mouvement irréversible, même s'il le regrette. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, il regrette ce que les hiérarchies de la Révolution pouvaient permettre, en particulier l'émergence de qualités individuelles, de grands talents ou de grands génies, que la démocratie, selon lui, risque d'étouffer. Car il y a pour Tocqueville, à côté de ce destin démocratique de l'humanité, irréversible, irrépressible, il y a un risque intérieur. C'est ce qu'il a défini dans La démocratie en Amérique comme le risque de la tyrannie de la majorité. Comme si la démocratie comportait non pas un risque extérieur, mais d'abord un risque de retournement de l'intérieur. Que l'égalité se pervertisse en majorité, en uniformisation, en tyrannie intérieure. C'est là le risque majeur qu'il voit, et on a retenu de Tocqueville cette définition historique de la démocratie, mais aussi ce risque pour la liberté et l'individualité. Mais il y a d'autres risques pour la démocratie que cette tyrannie de la majorité. Pourquoi Tocqueville, dans son voyage en Amérique, constate-t-il le fait de l'esclavage, mais s'arrête-t-il avant la revendication de l'émancipation? Il pense que l'extension de l'égalité à l'émancipation des esclaves va être un danger pour l'Amérique. Peut-être que Tocqueville n'aurait pas dû dénoncer seulement le risque intérieur qui menace la liberté, mais aussi le risque intérieur qui menace l'extension de l'égalité elle-même. Peut-être que la démocratie vit aussi de ces tensions qui évitent une tyrannie majoritaire, mais aussi de s'arrêter à une institution imparfaite de l'égalité entre les humains. Merci beaucoup Frédéric Vance. Votre chronique, le pourquoi du comment, est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. À la réalisation, ils étaient trois, Laurence Malonda, Nicolas Berger, Thomas Jost. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Florent Bujon. À la lecture des textes, Bernard Gabay. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de l'angoisse. Demain, on ira en peinture du côté de la Norvège, dans l'univers d'Edvard Munch. J'ai ressenti comme un grand cri, mais oui, vous le connaissez, ce tableau du cri. On en parlera demain, de 10h à 11h. D'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.